Futur Simple reprend son cours après cette poignée de publicité. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL sur les 89,1. Et pour poursuivre l'émission, je vous propose une visite dans une serre où sont cultivées des tomates. On y met des engrais, des pesticides et l'eau en sort pas toujours très propre. Mais il serait possible de recycler cette eau. Comment? Eh bien, c'est Nicolas Gruyer. Il est étudiant à l'Université Laval et c'est lui qui va nous l'expliquer. Bonjour Nicolas. Alors, eh bien, comme ton prédécesseur, il y a à peu près une demi-heure, je vais te demander aussi de te présenter, s'il te plaît. Ok, donc c'est ça, je suis étudiant au doctorat. J'arrive vers la fin de mon doctorat, donc au centre de recherche en horticulture à l'Université Laval. Mm-hmm. Et je travaille donc sur l'utilisation des marais filtrants pour purifier cette eau qui sort des serres, qui n'est pas forcément très propre. Oui, donc pourquoi vouloir purifier, recycler l'eau qui est utilisée pour la culture de la tomate au départ, c'est quoi la grande question? La grande question, bon, au départ, avec les prédictions des changements climatiques et l'augmentation de la population mondiale, on s'attend à avoir une augmentation de l'agriculture, et une partie de l'agriculture, c'est la sériculture, donc la culture sous serre qui nous permet d'avoir souvent des légumes en hiver dans des régions où ça ne pousserait pas naturellement à l'extérieur. C'est ça. Pour arriver à faire pousser ces plantes, généralement, on emporte beaucoup d'eau et on met de l'engrais pour aider à produire plus de légumes par unité d'espace. Ouais. Les plantes, comme quand on arrose les plantes à la maison, il y a toujours de l'eau qui sort un peu au fond du pot. Dans la coupelle. C'est ça, on appelle ça l'eau de lessivage. Et c'est cette eau qui est problématique parce qu'elle contient des éléments indésirables. Et on ne peut pas forcément la réutiliser pour la culture, donc la solution, c'est de l'envoyer à l'extérieur. Et donc, habituellement, elle va où? On la voit comment à l'extérieur? C'est ça, il faut savoir. À l'égout, généralement, les serres sont donc en campagne, donc ça va dans les ruisseaux. Il faut savoir qu'au Québec, il n'y a pas encore, malheureusement, de réglementation. Donc, les producteurs font un peu comme ils peuvent. Comparativement, en Europe, où la réglementation est stricte, c'est zéro déchet, zéro émission. C'est vrai? Oui. Ok, d'accord. Donc, au Québec, on est un peu en retard, mais ça devrait changer. D'accord. Petit à petit. Donc, on imagine, je perçois les conséquences sur l'environnement. Quand on parle des algues bleues dans les lacs, est-ce que c'est une conséquence de ça? Oui, ça peut être relié parce que cette eau qui est rejetée dans l'environnement contient énormément de nutriments qui n'ont pas été absorbés par la plante, comme le nitrate et le sulfate. Et donc, quand ça se retrouve à l'extérieur, dans l'environnement, ça favorise le développement d'autres plantes aquatiques qui peuvent être néfastes. Mais il faut savoir que les producteurs, ce n'est pas par mauvaise volonté qu'ils ne réutilisent pas cette eau. C'est parce qu'il y a des problèmes majeurs. C'est-à-dire que cette eau, il y a des nutriments qu'on ne veut pas ou qui peuvent créer un déséquilibre si on la réutilise tout de suite. Et si jamais il y a une maladie dans la serre, il faut savoir que les tomates, c'est des maladies fongiques, des champignons, qui se propagent très facilement par l'eau. Donc si jamais on a un plant qui est malade dans la serre, qu'on réutilise cette eau qui contient cette maladie sans la traiter, on peut perdre toute la culture, donc avoir des conséquences énormes. On répand le champignon sur toute la culture. C'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tendance donc à réutiliser cette eau sans la traiter. Ouais. C'est dans ce contexte-là que mon projet s'insère. Ouais. Puis j'imagine aussi que si on veut recycler l'eau, c'est pour éviter aussi la consommation d'eau, en imaginant que peut-être dans plusieurs années, il y aura moins d'eau disponible aussi. Bon, voilà. C'est peut-être pas brûlant au Québec, mais c'est quand même une préoccupation d'économiser de l'eau aussi. C'est ça, exactement. Parce qu'il faut savoir que pour un hectare de serre, par an, c'est entre 3000 et 4500 mètres cubes d'eau qui sont rejetés. Donc, c'est énorme. Et ça peut contenir jusqu'à 10 tonnes de nutriments, donc nitrate, sulfate, etc. Ah, ouais, ça fait donc, c'est quand même considérable. Ouais. Donc, là, toi, tu travailles sur un projet, sur une solution qui consisterait à installer des marais filtrants pour recycler cette eau-là. Comment ça marche? Exactement. Donc, Skonafon a recopié la nature. Exactement. On voulait un système simple, facile d'utilisation. Donc, qu'est-ce que c'est? Le marais, c'est juste un petit bac isolé isolé de l'environnement. Donc, on met à l'extérieur du marais où on va avoir du substrat, de la gravelle ou du sable, et on va planter des plantes aquatiques. On essaye de favoriser les plantes indigènes comme la quenouille ou l'iris. Donc, on va envoyer l'eau, donc cette eau de lessivage qui contient tous ces polluants, à l'entrée du marais. L'eau va mettre approximativement 5-6 jours pour passer au travers du marais. Et à la sortie, on regarde l'efficacité du marais. Est-ce qu'on a réussi à éliminer tous ces polluants pour pouvoir la réutiliser? Il faut savoir que pour cette épuration-là, c'est surtout tous les micro-organismes qui résident donc au niveau des racines et au niveau du substrat du marais qui vont réaliser vraiment l'épuration, qui vont purifier notre eau. D'accord, donc c'est toute une machine presque naturelle, les micro-organismes qui vont réutiliser les nitrates, les phosphates ou autres. Est-ce que les plantes en absorbent aussi? Les plantes absorbent à peu près 5 à 10%. La grande partie du travail, ça va être les micro-organismes. D'accord. Et au cours de mes expériences, on s'est aperçu qu'il manquait d'énergie pour ces micro-organismes dans le cas des effluents de serre qui sont très pauvres en sources de carbone. Les tomates ont tout pris. Voilà, et c'est ça. Donc les micro-organismes n'ont pas suffisamment de carbone, donc de nourriture, pour pouvoir intervenir auprès des polluants. Donc, l'expérience était de rajouter du sucre, tout simplement, dans le marais, pour voir son efficacité. Et on a été très surpris par l'efficacité, ce qu'on avait arrivé à réduire à peu près entre 97 et 99% des polluants une fois qu'on ajoutait du sucre. D'accord. Donc là, ce que vous avez fait, vous avez pris l'eau à la sortie, vous avez analysé, vous avez mesuré les quantités, les teneurs des différents polluants. Et vous avez éliminé 97% de ces polluants après le passage dans le marais où on apportait le sucre. D'accord. C'est sûr que le sucre, ce n'est pas une solution durable. Le producteur ne va pas aller acheter du sucre tous les matins et mettre du sucre dans son marais. Là, j'ai réalisé une autre expérience en collaboration avec un laboratoire en Suède où on teste à peu près 200 sources de carbone pour voir laquelle serait la plus efficace, puis sous quelle manière on pourrait l'amener au marais pour vraiment avoir une très bonne efficacité. Et tu parlais des champignons aussi. Donc, est-ce que ça élimine aussi les champignons, oui, les maladies? Au niveau des maladies, également, on a eu de très bons résultats. On a 99% d'élimination, ce qui est très bon. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est surtout les conditions environnementales qui règnent au niveau du marais qui ne sont pas propices au développement de ces champignons. Il y a également, au niveau du marais, le champignon arrive dans un environnement hostile où il y a énormément de bactéries qui peuvent avoir des effets négatifs, qui peuvent produire des enzymes ou encore des antibiotiques contre ce champignon. Ça fait que en 5 jours, le champignon ou la maladie est complètement éliminée. Et j'ai du mal à me représenter. Par exemple, j'imagine les grandes serres chez Savoura. Ça prendrait un marais de quelle taille pour réussir à recycler toute l'eau d'une telle surface de serre? C'est vrai que si on dit au producteur la taille du marais, ça va faire le double de ta superficie de serre. Il ne serait pas forcément propice à embarquer dans le projet. Mais ce type de marais qu'on a développé, c'est à peu près 5% de la taille de serre. C'est raisonnable. Donc pour à peu près une serre de 1 hectare, c'est à peu près 480 mètres carrés de surface. D'accord. Et est-ce que ça demande un entretien, ce marais? Est-ce qu'il faut réensemencer en bactéries, en micro-organismes, en quenouilles, ou est-ce que ça s'entretient tout seul? Ça s'entretient tout seul, c'est un processus naturel. On recrée vraiment la nature. Peut-être à l'automne, on peut couper les quenouilles, mais c'est tout. Ça ne nécessite pas vraiment d'entretien journalier comme un autre système de filtration d'eau. Oui, il n'y a pas besoin de changer les filtres. Exactement, ça marche tout seul. D'accord, il n'y a pas de risque que les micro-organismes se mettent à puller, envahissent l'espace? Non, du tout, parce que c'est vraiment confiné. Il n'y a aucun lien que l'environnement, c'est isolé de l'environnement, donc tout reste vraiment... Alors maintenant, j'imagine là ce marais, mais je me pose la question, l'eau qui sort à la fin, est-ce qu'on va la reprendre pour alimenter à nouveau les tomates, parce que c'est ça l'objectif? C'est ça l'objectif, donc là encore, j'ai réalisé un essai donc à l'université où j'ai arrosé des petits plants de tomates qui sont plus fragiles avec cette eau qui est traitée par les marais, et pour comparer, j'ai arrosé des plantes de tomates avec une eau du robinet de l'aqueduc. Et j'ai regardé la croissance, j'ai mesuré les feuilles, etc., la taille. Et il n'y avait aucun effet négatif, même peut-être un effet positif sur les plantes tomates. Donc, ce qui valide notre système, vu que l'eau peut passer à travers le marais, ça n'aura pas d'effet négatif sur la croissance des plantes. Bon, alors maintenant, il va rester à vendre ça aux agriculteurs? Oui, mais il faut savoir qu'il y a quand même quelques agriculteurs qui nous ont fait part de leur intérêt. Il y a un grand producteur de tomates du Québec, de la région de Montréal, qui a embarqué dans le projet. Et il y a à peu près une quarantaine de marais qui ont été montés chez lui, qui rentrent en fonction dès ce printemps. Donc c'est sûr, c'est encore au stade expérimental. Il va y avoir des analyses qui vont être faites très, très régulièrement pour suivre tout ce processus. Mais je pense que c'est bien parti pour continuer, étant donné que c'est quelque chose au niveau de, du coût à long terme qui est très, ça très abordable. Rien, si je comprends bien, ça coûte, il faut creuser le bassin. C'est ça, faut le coût d'installation est peut-être équivalent à d'autres systèmes de filtration, mais sur le long terme, Une fois que c'est installé, bon, faut faire circuler, faut ramener l'eau qui sort, faut la ramener au donc, serre. Avec une pompe, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'entretien. Et est-ce que ce système-là serait applicable à d'autres cultures que la tomate? J'imagine que oui. Oui, c'est ça. Nous, on s'est basé sur la culture de tomate parce que c'est une des grandes productions qui se fait sous serre. C'est certain que toutes les autres cultures, ça peut s'adapter. Mm-hmm. Au niveau, c'est sûr qu'il va falloir faire des analyses, voir le type d'eau de pollution qui se dégage par type de culture, mais généralement, ça se ressemble. Mm-hmm. Donc, ça va pouvoir être appliqué pour d'autres cultures. Et si maintenant, on veut passer à l'application au champ, parce que là aussi, on utilise des engrais, des phosphates. Là aussi, il y a de l'eau qui est drainée, qui sort de là, qui n'est peut-être pas très propre. Est-ce qu'il y aura quelque chose à faire? Ça pourrait se faire, mais là, ce serait les bandes riveraines qu'on entend parler souvent. Ouais. C'est le même principe. Ah, c'est vrai. Donc, c'est sûr qu'un marais, il faudrait arriver à récupérer toute l'eau qui passe à travers le champ, qui contient les nutriments, et placer le marais dans un endroit stratégique. C'est pour ça que le développement des haies et des bandes riveraines permettent aussi cette épuration-là par l'action des plantes et des micro-organismes du sol. Mmh. Bon, en tout cas, c'est un beau projet. Je trouve ça très intéressant de penser qu'on peut recycler l'eau, qu'on peut la nettoyer avec un système naturel, surtout. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous en parler. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Donc, je rappelle que tu es étudiant à l'Université Laval. C'est la faculté d'agriculture. Alimentation et agriculture au département de phytologie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Alors, on va faire maintenant une pause musicale. Vous écoutez toujours, c'est KRL au 89,1.